quatrième et dernier volet de notre série consacrée à l'histoire du Japon. Aujourd'hui, le débat consacré à la figure du guerrier. Après vous avoir parlé lundi de l'art au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et de la contestation d'un modèle guerrier, mais y en a-t-il un seul d'ailleurs, au Japon, nous allons dans le débat de ce matin nous intéresser à la figure de ce même guerrier et à son importance dans l'imaginaire historique de ce pays. Nous allons donc parler samouraï, bushido, kamikaze avec Anaïs Kien qui co-animera cette émission avec nous et avec nos deux invités, Pierre-François Souiri. Il est professeur à l'université de Genève, il est auteur entre autres des guerriers dans la rizière, la grande épopée des samouraïs qui est sortie il y a 6 mois chez Flammarion. Et Constance Sereni sera également avec nous. Elle est maître assistante à cette même université de Genève et ils sont tous les deux co-auteurs de Kamikaze chez Flammarion. Bonjour Anaïs Kien. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour à vous Constance Sereni. Bonjour. Et bonjour à vous Pierre-François Souiri. Bonjour. Merci d'être avec nous. On apprenait il y a 2 jours que le directeur et le producteur des studios Ghibli, qui est Hayao Miyazaki, avait dans une querelle personnelle qu'il avait pu avoir avec le producteur Harvey Weinstein, donc aux États-Unis, envoyé à ce producteur qui voulait couper dans, qui avait la réputation de couper dans les films de qu'il produisait, qu'il distribuait aux États-Unis, voulait couper dans Le Voyage de Chihiro qu'il allait distribuer, il lui avait envoyé un sabre de samouraï avec juste ce petit mot « no cuts ». Pas de coupure dans le film en question. Et d'ailleurs, Harvey Weinstein avait accepté la préconisation, donc assez directe, pourrait-on dire, de Hayao Miyazaki de ne pas couper dans son film Le Voyage de Chihiro. Ce qui prouve que cet imaginaire guerrier dont on va parler avec vous et avec Constance Sereni, donc Pierre-François Souiri, est encore à l'œuvre dans le Japon d'aujourd'hui, même si, évidemment, il y avait beaucoup d'humour là-dedans de la part de Miyazaki. Oui, je pense que certains bonhommes, il faut y aller avec le sabre, hein, ça me paraît assez normal. Non, je plaisante. Il faut. Non, je pense qu'effectivement, il y a un imaginaire, bien entendu, d'autant plus facile pour les Japonais qu'ils savent que cet imaginaire fonctionne également en Occident. Et bien sûr. Et qu'il a d'ailleurs été développé en Occident. Et notamment par Hollywood, à travers certains films, alors maintenant un peu anciens, mais enfin, genre Kill Bill ou Ghost Dog ou des films comme ça, où il est quand même question beaucoup de cet imaginaire, de la culture des samouraïs d'autrefois, le Bushido et quelques ouvrages comme le Hagakure. Oui, Constance Sereni. Oui, le geste de Miyazaki, le sabre, est quelque part extrêmement amusant quand on pense au fait que justement l'une des premières choses que font les Américains après la Seconde Guerre mondiale, c'est interdire les sabres au Japon. Ils récoltent tous les sabres parce que le sabre, c'était à ce moment-là le symbole justement de ce combat jusqu'au bout, le symbole du Japon qui ne se rendrait jamais, de cette espèce d'imaginaire du samouraï comme étant quelque part l'essence du Japon, puisque c'est ça finalement on voulait faire croire le Bushido est une espèce d'essence immémorielle du Japon. Et donc là, c'est assez amusant d'avoir un Japonais qui envoie un sabre aux États-Unis. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est que vous semblez dire, déjà en ouverture de cette discussion, tous les deux, donc Constance Sereni et vous, Pierre-François Souiri, qu'il y a peut-être un malentendu autour de cette question-là. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une image projetée du Japon vers l'extérieur, peut-être entretenu, que les Européens et les Occidentaux ont travaillé. Est-ce qu'il y a une racine, pourrait-on dire, réelle, justement, de cet esprit guerrier japonais, Pierre-François Souiri, ou est-ce que tout cela n'est une sorte de vision d'occidental débarquée au XVIIe siècle, par exemple, sur ce territoire japonais pour évangéliser les Japonais? Je pense qu'il y a un peu des deux. Il y a plusieurs choses. D'abord, le fait que les samouraïs ont réellement existé, que c'est pas une histoire inventée. Ça, c'est indéniable. Il y a effectivement une classe guerrière qui a dominé le système politique pendant presque un millénaire. Ça, c'est une chose réelle. Deuxièmement, il y a l'idée que la révolution de Meiji s'est faite contre les samouraïs, par les samouraïs, mais contre les samouraïs. À la fin du 19e siècle. À la fin du 19e siècle. Et que d'une certaine façon, on a dénigré cette société féodale considérée comme arriérée pour construire la modernité. Et puis, dans un troisième temps, suite aux victoires militaires, l'expansionnisme japonais, on a réinvesti en quelque sorte la figure du samouraï pour essayer d'expliquer soi-même au Japon en quoi les samouraïs étaient peut-être à l'origine de ces victoires, ce qui est c'est complètement fantastique. Et puis dans un quatrième temps peut-être, un certain nombre d'ouvrages dont on parlera peut-être tout à l'heure, comme celui de Nitobe sur le Bushido, ont connu un succès phénoménal en Occident au début du XXe siècle. Et d'une certaine façon, c'est répandu en Occident l'idée que le Japon, c'était les samouraïs, alors que à la fin du XIXe siècle, à l'époque du japonisme, c'était pas ça du tout. C'était au contraire les beaux paysages, les jolies femmes, etc. Okuzai et ce genre de peintres. Donc on a renversé complètement l'image. Anaïs Kien. Oui. On verra peut-être tout à l'heure à quel point les arts de la guerre s'incarnent dans une identité japonaise en reconstruction au XIXe siècle. Mais peut-être revenons au début, justement, au moment de la formation de cette caste de guerriers samouraïs. D'ailleurs, c'est un petit peu compliqué de parler de casque, puisque c'est une identité qui est accessible à peu près à tout le monde, pourvu qu'on ait les moyens d'avoir quelques terres, un cheval, et plutôt un arc d'ailleurs qu'un sabre au départ. Alors, d'abord, ce groupe, on va l'appeler comme ça par un terme relativement vague, ce groupe des samouraïs a dominé l'histoire japonaise pendant un millénaire, quasiment. Donc, à partir du XIIe siècle. À partir du IXe, du Xe siècle même. Alors, ils ont dominé politiquement à partir du XIIe, mais ils existent depuis environ le Xe siècle. Donc, du Xe au XIXe, ça fait quand même très longtemps, évidemment. La figure du samouraï a beaucoup évolué au cours de cette période. Le Japon du Xe siècle, c'est une société extrêmement archaïque. Alors, le Japon du XIXe est une société déjà en voie de modernisation. Donc, on a des figures extrêmement diverses. Alors, à l'origine, il s'agit de notables locaux, on va dire, qui se militarisent pour des raisons, j'ai peut-être le temps d'expliquer tout à l'heure. Et puis, à la fin, il s'agit, à partir du XVIIe siècle, il s'agit d'un véritable ordre social. Un ordre social qui se propose de créer une culture alternative. Une gouvernance alternative, un pouvoir alternatif, mais aussi une culture alternative. On voit là se former une nouvelle culture guerrière, une nouvelle identité masculine aussi peut-être. Alors, tout à fait. Donc, il y a la société japonaise aux alentours de l'an 1000 est dominée par la cour impériale qui est peuplée d'aristocrates, de fonctionnaires, de lettrés. Assez proche de ce qu'on peut imaginer, de ce qu'était la cour impériale chinoise, par exemple, avec une haute culture lettrée et une reconnaissance de cette culture comme étant la façon de se valoriser à l'intérieur de la société. Absolument. Donc il y a la cour japonaise, c'est calqué sur la cour chinoise, avec bien sûr un certain nombre de différences importantes, mais quand même cette culture lettrée est mise en avant par les aristocrates et fait partie en quelque sorte de leur identité, qui leur permet aussi à travers la maîtrise de l'écriture et de la lecture, qui leur permet d'une certaine façon de dominer le reste de la société. Et les guerriers se constituent un peu, ou à l'origine en tout cas, un peu contre cela, c'est-à-dire qu'eux développent des valeurs que eux estiment être des valeurs viriles, effectivement, ou masculines, qui sont l'équitation, le tir à l'arc, la chasse, un certain nombre de pratiques qui évidemment conduisent à... Mais non aristocratique. Pardon ? Non aristocratique. Non aristocratique, ou en tout cas... Oui, enfin, qui sont très différentes, en tout cas, de l'aristocratie, même si, une fois qu'ils vont prendre le pouvoir et qu'ils vont s'installer, donc, à la tête de l'État, un certain nombre de ces grands guerriers vont se aristocratiser, entre guillemets, et devenir à leur tour des lettrés. Alors, une des difficultés pour comprendre cette société japonaise, vue en particulier d'Europe et d'Occident, ça va être de faire des parallélismes, et ces parallélismes ne vont pas cesser d'être, d'une certaine façon, pour pouvoir dire, par exemple, bien, il y a un Moyen-Âge japonais qui correspond au Moyen-Âge occidental, il y a une vassalité qui correspond à la vassalité occidentale. Or, ce que vous montrez dans vos travaux, tous les deux, c'est qu'effectivement, il y a effectivement des points de convergence, mais qu'il y a des évolutions qui sont très différentes, que sur ces 1000 années, justement, de culture guerrière japonaise, on ne peut pas parler de la même chose pour le 9e ou le 10e siècle, ou pour le 18e ou le 19e siècle. Et il faut effectivement... comparaison n'est pas raison. Il faut comparer, mais il faut aussi voir les différences, Constance Sérigny. Oui, le problème avec les comparaisons calquées, on peut dire le Moyen-Âge, les samouraïs sont des genres de chevaliers, ce genre de... C'est que c'est très pratique d'un côté pour comprendre rapidement, pour ça pour schématiser. Oui, parce qu'il y a bien des liens de vassalité, il y a bien des questions d'évolution de terre, d'host, d'une certaine façon, de volonté de faire venir ses guerriers auprès de soi quand on en a besoin, etc., et qu'on est le seigneur. Bon, il y a des choses qui peuvent se ressembler, mais il y a aussi bien beaucoup sûr. De différences. La résidence alternée à Edo, par exemple, ça ressemble tout à fait au processus mis en place par Louis XIV pour garder la noblesse d'épée autour de lui. On a des parallèles, et ces parallèles sont utiles. Le problème, c'est qu'ils masquent que la complexité qu'il y a derrière, et il masque, comme vous venez de lire, les évolutions qui ne sont pas forcément les mêmes que ceux qu'on a pu voir en Europe. Pierre-François Souhiri. Oui, et puis il faut dire aussi que c'est un discours idéologique, cette histoire de la comparaison. D'abord, les premiers qui ont comparé la société japonaise à la société occidentale, c'est les Portugais, au XVIe siècle. Quand ils sont arrivés au Japon, la première chose qu'ils ont expliquée dans leur missive, c'était de dire « Ah, mais au Japon, il y a comme chez nous des ducs, des comtes, des chevaliers, et il y a comme chez nous à Kyoto, un pape, c'est-à-dire l'empereur, qu'on n'appelait pas l'empereur à l'époque. Donc cette idée de la comparaison est importante et elle est évidemment justifiée pour eux par le fait que le christianisme semble pouvoir se développer au Japon et que donc la papauté doit leur donner les moyens de christianiser le Japon en masse. Donc cette idée de la comparaison existe dès le début. Et elle a été reprise en fait au XIXe siècle par des gens, notamment Karl Marx, qui alors portait la comparaison non pas sur la classe des guerriers en tant que telle, mais sur la féodalité, le concept de féodalité. Il existe une féodalité au Japon, dit-il, et d'ailleurs, si vous voulez comprendre ce que c'est que la féodalité occidentale, regardez ce qui se passe au Japon aujourd'hui, c'est à peu près en 1858, le Japon vient de s'ouvrir, et il dit, regardez ce qui se passe au Japon aujourd'hui, et vous aurez une idée bien plus précise de ce qu'était la société féodale que dans tous nos livres d'histoire. Bon, cette idée est une idée portée par les Européens. Et puis, à partir de la fin du XIXe siècle, lorsque le Japon se modernise, le Japon, d'une certaine façon, a besoin de se comprendre pourquoi il a réussi à vaincre une première fois la Chine en 1895 et une deuxième fois la Russie en 1905. Et l'explication qui vient à ce moment-là, c'est de dire « oui, mais nous sommes des guerriers par nature ». C'est notre nature de combattre et de vaincre. Alors que pendant toutes les années précédentes, on leur a expliqué que les samouraïs, c'était le passé. Et qu'il fallait se moderniser, s'industrialiser, s'occidentaliser. Alors, ils ont, au lieu de comprendre et de faire une analyse objective de ce que c'est ces victoires, c'est-à-dire une victoire de l'industrie japonaise, de la logistique japonaise, du système d'information, du système de commandement, etc., qui sont des structures tout à fait modernes, ils sont revenus en quelque sorte au passé pour s'auto-justifier et s'auto-glorifier un passé qui leur permettait, vis-à-vis des Occidentaux, de leur dire aux Occidentaux, nous, on n'est pas des jaunes comme les autres. Nous, on a une féodalité, nous, on a eu un Moyen-Âge, nous, on a une histoire qui ressemble à la vôtre. Anaïs Quin. Une fois qu'on est confortablement installé dans ce parallèle féodal entre l'Occident et le Japon, lorsqu'on entre dans les détails, on voit bien que les paramètres de cette construction sociale troublent notre perception européenne et occidentale, notamment sur les modes de transmission. Au sein des samouraïs. C'est-à-dire que toute la question du sang qui préoccupe éminemment l'Occident médiéval au Japon est bien plus complexe que cela. On a tout un système d'adoption, de toute façon de polygamie qui étend largement la famille et de légitimité qui trouble fortement notre perception de cette reproduction de cette société des samouraïs. Pierre-François Souhiri. Oui, alors ça explique en partie, cette affaire est très, très importante parce que ça explique en partie la gravité des guerres seigneuriales, les guerres féodales au Japon pendant les 4 ou 5 premiers siècles de l'histoire des samouraïs. Oui, parce que c'est une période de très grande instabilité. Oui, très grande instabilité et de très grande mobilité sociale vers le bas mais vers le haut aussi. C'est presque une période révolutionnaire, la fin enfin le 15e et le 16e siècle japonais. Alors c'est effectivement tout à fait important parce que il n'y avait pas au Japon cette histoire de la primogéniture qui était qui est pourtant centrale évidemment dans les processus de succession en Occident. Et du coup le père, le seigneur donc désigne à la fin de sa vie celui de ses enfants qui sera son héritier. On a un exemple récent là de déshéritation de ses enfants qui est tout à fait typique et ressemble un petit peu bizarrement à ce qu'avait pu être la société japonaise autrefois. Bah, il a chanté en japonais, Johnny. Il a chanté dans toutes les langues. Donc évidemment, ça crée des tensions terribles au sein de la famille seigneuriale, et le fils aîné qui est évidemment plus âgé par définition que le dernier, qui souvent a été choisi par son père vieillissant, parce qu'il est probablement plus proche de la mère, ça crée des tensions et donc des factions au sein du clan féodal, et ça crée évidemment des conflits. Et des guerres civiles qui ne cessent pas tout au long de ces 4 ou 5 premiers siècles, Constance Sérani. Oui, tout à fait, mais c'est cette période que justement Pierre-François Suéry avait traduit l'expression japonaise par le monde à l'envers. C'est-à-dire une période où l'ordre social supposé immémorial est complètement renversé. Et dans cette période de guerre civile, tout devient possible. Un petit samouraï peut devenir un grand général, ce qui normalement ne devait pas arriver. Normalement, un système de vassalité, on reste toute sa vie le vassal de son seigneur. En tout cas, dans l'ordre impérial préexistant. Et donc cette période est particulièrement... On la date de quand à quand, cette période, Pierre-François Souiri, c'est de quand à quand peut-on dater ce moment de monde à l'envers, justement. L'expression, c'est moi je l'ai traduit par le monde à l'envers, c'est une expression japonaise qui émerge au début du 15e siècle, mais qui renvoie à des pratiques sociales qui commencent déjà au 14e et qui vont se terminer, si je puis dire, à la fin du 16e siècle, avec la mise en place du système des Tokugawa, qui est un système de statuts sociaux extrêmement rigide. Un retour à l'ordre moral. Constance Sérény. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que c'est les guerriers eux-mêmes qui, à la fin de cette période de mobilité sociale incroyable, dont ils profitent pour pacifier le Japon, pour rétablir l'ordre, c'est eux qui vont finalement revenir à un ordre encore plus fixe qu'il ne l'était avant. C'est l'époque d'Edo, c'est l'époque des Tokugawa, où les ordres sociaux deviennent complètement fixés et imperméables. Mais par les samouraïs eux-mêmes. France Culture, La Fabrique de l'Histoire, Emmanuel Laurentin. Une composition de Sato Masaru, donc pour le film Le Château de l'Araignée de Kurosawa en 1957. Il faut dire qu'on n'est pas très aidé dans la compréhension justement ou dans la séparation entre ce qui se passe au Japon et ce qui se passe en Occident, parce que Kurosawa, pour Le Château de l'Araignée, reprend Macbeth, donc, et l'adapte au Japon médiéval, comme s'il fallait continuer cette confusion entre Occident médiéval et Japon médiéval, Pierre-François Souiri. Mais oui, parce que cette idée que le Japon était différent des autres pays d'Asie parce que lui était capable de se moderniser, de s'industrialiser, de tenir tête pendant un certain temps, en tout cas aux États-Unis, ne pouvait s'expliquer que par, du moins chez les idéologues japonais de cette époque-là, que par l'idée que le Japon avait connu une société finalement comme celle de l'Occident. La question de la féodalité des samouraïs équivalent des guerriers ou des codes du bushido équivalent des codes de chevalerie occidentaux. Je freine Pierre-François Souiri, peut-être qu'il faut expliquer ce qu'est le bushido qu'on cite depuis le début de cette émission, qui est donc alors un code bushido, d'honneur. Le bushido, c'est la voie du guerrier, hein, si on prend la traduction au sens strict. Alors c'est un ensemble de valeurs qui existe depuis l'émergence même de la classe des samouraïs, qui a eu différentes dénominations. Puis qui est constitué progressivement. Qui est constitué progressivement. Alors à l'origine, ça s'appelle la voie de l'arc et du cheval. C'est essentiellement l'art de l'équitation, l'arc du tir à l'arc et l'art de la guerre, d'une certaine façon, qui s'accompagne d'un certain nombre de valeurs, le courage, l'abnégation, la fidélité. Et la victoire. Et oui, la victoire. Oui, encore que ce qui est important, c'est aussi la défense de l'honneur, et que si l'honneur passe par la défaite, ce qui peut paraître bizarre, il vaut mieux donc mourir vaincu que gagner de façon lâche et déshonorante. Encore que dans la réalité, c'est encore un peu plus complexe. Mais à partir du XVIe siècle, ce type de valeur, ce type de manière de faire, de manière de penser, de manière d'agir. Et de code de conduite, oui. Et de code de conduite sont systématisés à travers une expression qui est l'expression Bushido, qui apparaît donc assez tardivement au XVIe siècle, et qui va se répandre dans le Japon de l'époque des Tokugawa, donc à partir du XVIIe, dans une société qui, alors c'est ça qui est bizarre, c'est une société pacifiée, où les samouraïs sont devenus entre-temps des administrateurs, des lettrés, des médecins, des organisateurs, et plus du tout des combattants. Or, c'est à ce moment-là que le Bushido se répand. Ce qui est quand même très étrange, Constance Sérigny, c'est de voir effectivement cette valeur de l'honneur, quitte à aller jusqu'au suicide, par exemple, si on défaille d'une certaine façon dans un combat guerrier, qui est contrebalancé par des propos sur la violence, sur la barbarie même de ces soldats. Comment fait-on pour pouvoir avoir en tête à la fois d'un côté une sorte de code de l'honneur et d'autre côté cette vision extrêmement guerrière, extrêmement barbare, telle qu'elle est valorisée aussi en parallèle par une certaine littérature au Japon? Alors, pour comprendre en fait ce paradoxe, je crois qu'il faut revenir à ce que disait Anaïs Kain plus tôt, c'est-à-dire l'idée que le Bushido n'est pas seulement un discours qui est tourné vers l'extérieur pour donner une image du Japon, mais principalement un discours tourné vers l'intérieur. C'est-à-dire, c'est un discours des Japonais sur eux-mêmes. C'est une façon de dire voilà ce que nous sommes, voilà ce que nous devrions être en tout cas. Et certainement, lors de l'expansionnisme japonais au XXe siècle, et en particulier l'époque de la Seconde Guerre mondiale, on réactive ce Bushido. Les soldats, on leur donne entre autres un des textes fondamentaux du Bushido, Hagakure, qu'ils ont tous sur eux, pour leur dire... Vous êtes les héritiers de cet esprit du Bushido. Et quelque part, ce que vous faites est justifié par le simple fait que vous êtes japonais, donc supérieur. L'horreur quotidienne de la guerre est complètement subordonnée à cet esprit supérieur du Bushido. Mmh. Anaïs Kain. Ce qui est étonnant, c'est de voir... À quel point le Bushido est convoqué au XIXe siècle contre tout type de menace sur l'identité japonaise, d'une certaine façon. Dans un premier temps, il est convoqué, Pierre-François Souéry, contre l'influence chinoise et le confucianisme, et puis ensuite, dans un deuxième temps, contre l'influence occidentale, plus tard, dans ce XIXe siècle. C'est-à-dire qu'à chaque fois que l'identité japonaise, finalement, se trouve remise en cause, on rigidifie cette identité en convoquant ce Bushido et la mémoire des samouraïs, quelque peu trafiquée au passage, évidemment. Mais vous avez parfaitement compris, Anaïs Kain, c'est exactement de cela dont il s'agit. Le Bushido, je le disais tout à l'heure, est un mot qui apparaît au XVIe siècle. Il n'y a aucun ouvrage au XVIe siècle qui parle du Bushido. Il n'y a pas de petit livre du Bushido. Il n'y a pas un guide du Bushido. Il n'y a rien de tel. C'est un mot qui apparaît comme ça, sans jamais vraiment défini, à travers des ouvrages. Et le Hagakure, qui date du début du XVIIIe siècle, dont parlait Constance Sérigny à l'instant... Donc d'une époque de paix totale. Donc d'une époque de paix totale, en effet, est un ouvrage qui a été censuré par le Seigneur, comme étant un ouvrage complètement fou. Ça ne correspond à rien. D'ailleurs. Donc, c'est-à-dire que dans une époque dans laquelle on veut justement imposer la paix, dans laquelle on veut effectivement montrer que les samouraïs sont devenus des administrateurs, sont devenus des lettrés, ce contre quoi ils se sont construits à l'origine de ce mouvement des samouraïs, donc au 9e ou au 10e siècle, eh bien, effectivement, ce Bushido ne va pas tellement dans l'esprit de l'époque, au 18e siècle. Exactement, on essaie de pacifier les seigneurs et les samouraïs, on essaie de les transformer en lettrés, en administrateurs qui connaissent les règles, l'administration, le droit, etc. Ça fonctionne en grande partie. Et ça fonctionne, bien entendu. Mais parallèlement à ça, un certain nombre de samouraïs se sentent mal dans ce nouveau... ayant une nostalgie, finalement, de l'époque précédente où la guerre était quasi permanente, déraillent, si je puis dire. Et l'auteur du Hagakure commence son ouvrage en disant « J'ai compris que le Bushido, c'était apprendre à mourir. » Et le seigneur, lisant ces lignes, dit « Mais il est fou !» Donc j'interdis le livre. Et le livre a disparu. Personne ne l'a jamais lu. jusqu'à ce qu'il soit redécouvert en 1908, je crois, et ensuite devienne une sorte de best-seller, y compris pendant la Seconde Guerre mondiale, et c'est interdit par les Américains en 1945. C'est incroyable, d'ailleurs, le temps de disparition de ce livre, presque 200 ans, et cette résurgence en 1906. Oui, Constance Sérénie. C'est bien qu'il y a, un besoin à ce moment-là d'avoir une identité, quelque chose... un discours purement japonais. Le problème, c'est que, bien entendu, comme d'ailleurs Pierre-François Siri l'a montré dans son livre Moderne sans être occidental, tout à fait, c'est que le Japon est une culture qui est mixte, bien entendu, qui a une grande influence chinoise. Or, à ce moment-là, le Japon essaye de se définir comme une nation différente, unique, purement japonaise, essaye de trouver ce qui peut être l'âme japonaise, le Yamato Damashi. Et c'est... par ce discours sur les samouraïs, c'est pour ça que ce texte ressort à ce moment-là, parce que c'est justement de ça dont on a besoin, quelque chose qui soit purement japonais, qui ne soit pas chinois, et qu'on puisse utiliser pour construire cette nation. Et qui s'incarne dans les arts de la guerre, donc. Tout à fait. Un extrait de Kagemusha, L'ombre du guerrier, évidemment, la bande-son du film de Kurosawa de 1980, qui raconte justement la guerre dans ce Japon du XVIe siècle. C'est un noir-ci. Un extrait de la bande originale du film de Kurosawa de 1980, Palme d'Or en 1980 à Cannes, Kagemusha, l'ombre du guerrier. Et on comprend effectivement combien les intrications entre musique occidentale et musique japonaise sont importantes dans cette œuvre de Kurosawa, mais dans toutes les autres aussi. On est plus proche parfois de John Williams et de Star Wars que de compositions traditionnelles japonaises. Alors, il faut expliquer comment cette culture guerrière va se transformer en une culture volontairement de paix. On a évoqué ce 16e, puis ces guerres civiles, puis ce 17e siècle, cette instauration d'un nouvel ordre, pourrait-on dire, qui se met en place. Comment, tout compte fait, ces supposés barbares, violents, hyper violents, tels qu'ils sont décrits dans certains textes au 16e siècle, Pierre-François Souhiri, deviennent-ils les promoteurs de l'art du no, les promoteurs d'une culture de cour qui va s'imposer au siècle de 17e, 18e siècle en l'occurrence? Bien, je pense que d'abord, ce qu'on disait tout à l'heure, ces histoires de l'héritage, qui est une affaire tout à fait importante, il y a un changement dans les pratiques qui se fait à la fin justement du XVIe siècle, au cours du XVIe siècle, et qui aboutit donc à une stabilisation relative de la classe guerrière. On impose de fait, même si c'est pas reconnu dans le droit, la primogéniture, ou en tout cas des formes qui y ressemblent. Donc ça stabilise en quelque sorte la classe guerrière, et d'une certaine façon, ça aide à transformer ce groupe de samouraïs, ce groupe de guerriers en une véritable noblesse, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Une forme de noblesse bureaucratique. Une sorte de noblesse bureaucratique qu'il faut polisser, à qui il faut apprendre, évidemment, l'art de l'administration, l'art du contrôle social et l'art de la paix, d'une certaine façon. Et donc, ce qu'on met en avant, c'est pas du tout le bushido, c'est le shido, c'est-à-dire la voie du lettré. Et le Bushido vient en quelque sorte en contradiction avec ça. Mais c'est quelque chose de relativement secondaire. Mais c'est une véritable conversion quand même. C'est une conversion, ouais. Et ça va, se faire parfois avec une certaine violence. C'est-à-dire ceux qui refusent en quelque sorte de se plier à ces nouvelles valeurs sont carrément exécutés, ou leur fief est liquidé, ou ils sont ostracisés, etc. Ouais, rappelons donc, quand même qu'il y a deux siècles plus tôt, on valorisait les vauriens, on valorisait exactement. Ceux qui n'avaient, qui étaient sans foi ni loi et donc, qui se promenaient dans la ville avec des habits qui ne correspondaient en rien à ce qui devait être ceux de leur classe sociale. Tout à fait, les punks, comme je les appelle, les punks du Moyen Âge japonais, c'est tout à fait ça. On a effectivement ce type de volonté de contrôle social. Il y a chez les dirigeants japonais à cette époque-là, l'idée qu'il faut mettre un terme au monde à l'envers, c'est-à-dire mettre un terme en quelque sorte à cette mobilité sociale extrême et visser en quelque sorte, serrer la société. Alors même si ces statuts sociaux sont beaucoup plus fluides qu'on a voulu le dire et le penser, mais enfin quand même, il y a cette volonté en quelque sorte de contrôle social et ça marche d'une certaine façon. Ça marche, mais je voudrais quand même ajouter une chose importante, c'est que mon ouvrage traite des guerriers, donc j'ai principalement parlé de la classe guerrière, mais la culture, c'est pas que les guerriers. Bien sûr. Les guerriers représentent au maximum 5% de la population, et à partir du XVIIe siècle en tout cas, même avant, mais en tout cas à partir du XVIIe siècle, il y a développement d'une société bourgeoise, d'une culture populaire également. Les samouraïs sont des gens dont on se moque, qui terrorisent les gens, mais qui en même temps sont moqués. Sont considérés comme des brutes, des imbéciles, des gens pas du tout policés, justement. Des anciens combattants, tout simplement. Parfois des anciens combattants aussi, mais d'une certaine façon, la culture japonaise, c'est aussi une forme d'ironie, de remise en question, pas nécessairement à travers un discours politique constitué, parce que ça, c'était pas possible, mais à travers d'autres formes. La poésie, le senryu, c'est-à-dire une sorte de poésie de haïku satirique en quelque sorte ou comique, on se moque de la classe dominante et le kabuki par exemple est un théâtre essentiellement bourgeois, c'est quand même le grand théâtre japonais, c'est quand même un théâtre bourgeois, toute une série d'auteurs sont d'origine bourgeoise les samouraïs alors il y a une sorte de mélange qui finit par se faire au cours du 18e et du 19e siècle entre les lettrés d'origine samouraï et les lettrés d'origine bourgeoise, on finit par ne plus tellement se préoccuper de ce genre de questions, mais dans l'ordre social ça reste très important, les bourgeois doivent être à leur place. Et pourtant mardi, on a écouté ce documentaire sur Fujita, qui a été élaboré pour cette semaine sur le Japon. Fujita, arrivant à Paris à la veille de la Première Guerre mondiale, se réclame de son ascendance samouraï en ce début du XXe siècle. Donc, ce n'est pas aussi ridicule, ça reste une valeur à mettre en avant pour se présenter, ou est-ce utile seulement dans un cadre de présentation de soi en tant que japonais, dans un contexte européen et en l'occurrence français pour Fujita? Les deux sans doute. Certains sont fiers de leur ascendance samouraï, mais la plupart des japonais, y compris des gens de grands intellectuels aujourd'hui, vous leur demandez si leurs arrière-grands-parents étaient samouraïs ou pas, ils n'en savent rien en fait. Certains, dans certaines familles, ont maintenu le culte du lignage guerrier, mais pour la plupart des Japonais, ça reste un petit peu abstrait, tout ça. Constance Sérigny. Oui, pour revenir à cette époque d'Edo, justement, avec cette culture... 18e siècle. 18e siècle, début du 19e siècle, cette culture marchande qui se met en place, le grand âge du kabuki, des arts, justement, de la paix. De l'estampe. De l'estampe aussi, bien sûr. C'est justement ce qui permet d'expliquer pourquoi on a des textes sur le Bushido qui émerge à cette époque-là. Vous êtes samouraï, vous avez le droit de porter deux sabres dans la ville d'Edo. Vous avez le droit de porter un costume particulier. On doit vous laisser passer puisque vous êtes, techniquement, vous êtes... De la classe des guerriers. De la classe des guerriers, vous êtes supérieur. Mais en vrai, vous n'avez pas le droit de vous servir de vos sabres. En vrai, c'est un pouvoir qui est totalement illusoire. Vous êtes peut-être plus pauvre que le marchand qui doit vous laisser passer. Et en vrai, le pouvoir qui est en train de se mettre en place, c'est un pouvoir d'argent. C'est une bourgeoisie qui est en train de se mettre en place dans Edo. Donc votre situation est particulière. Et effectivement, parfois, on se vous êtes en train de disparaître. Vous êtes en train de disparaître. Vous êtes en train d'être assimilé. Et votre costume devient de plus en plus extravagant pour prendre de la place, pour se donner un rôle. Vous avez de plus en plus besoin de théoriser ce que vous êtes parce que vous n'êtes plus ce que vous devriez être, c'est-à-dire un guerrier. C'est-à-dire vous ne pouvez plus vous imposer par la force. Vous n'avez plus le droit d'aller taper sur ceux qui ne sont plus d'accord avec vous. Et donc, c'est le retour de l'imaginaire guerrier par l'intermédiaire des textes, justement, par le retour de ce Bushido, donc élaboré patiemment tout au long du Moyen-Âge japonais, et même dont le nom ne naît qu'au XVIe siècle et n'est même pas utilisé à ce moment-là. Même l'invention, pratiquement, de ce code. C'est un peu comme on invente le code de la chevalerie à la fin de l'époque des chevaliers en Europe. La comparaison est là assez apte. On est dans la même situation. C'est-à-dire que ces guerriers sont en train de perdre leur identité, effectivement. Et du coup, ils théorisent sur ce qu'ils étaient, sur ce qu'ils doivent être, sur ce que ça représente moralement d'être un guerrier. Anaïs Quin. Mais au XIXe siècle, visiblement, le Japon, et pas seulement cette classe de guerriers en déshérence, voit apparaître les premières théories du nationalisme, et un nationalisme virulent, parfois xénophobe. Donc on comprend bien, après ce que vous nous avez dit de cette place sociale dégradée, Constance Serigny, cette nostalgie qui saisit ses descendants de samouraïs, parce que finalement on les appelle samouraïs sans qu'ils puissent exercer leur talent de samouraï. Donc ce nationalisme qui pointe son nez de manière très très féroce au XIXe siècle accompagne cette nostalgie. C'est peut-être ce mélange d'ailleurs entre cette nostalgie, ce sentiment de perte qui va mener à un programme de conquête impérial féroce dès la fin du XIXe siècle. En tout cas, c'est ça qu'on va utiliser pour justifier le programme d'expansion japonaise. Et il y a quelque chose de particulier qui se passe à ce moment-là, parce que cette caste guerrière, au moment où elle s'est définie comme une minorité, une élite, un tout petit groupe qui avait des valeurs particulières parce qu'ils étaient spéciaux, particuliers. Et on va là, en fait, on va l'étendre au Japon tout entier. C'est ce qui va se passer donc quand on va réinvoquer cette figure des samouraïs au cours du XXe siècle, pendant l'expansionnisme japonais des années 10, 20, 30, bien entendu, c'est que on va dire nous sommes tous en réalité animés de l'esprit des samouraïs. Et ça, c'est pratiquement l'inverse de ce que les samouraïs eux-mêmes pensaient. Eux pensaient être l'élite de l'élite. Mmh. Et là, on dit chaque Japonais a l'âme d'un samouraï. Oui, Pierre-François Souhiri, c'est effectivement une des grandes ruses, pourrait-on dire, de l'histoire du XXe siècle au Japon, que justement, ce troc entre un samouraï qui ne serait que la pointe avancée d'une élite guerrière et ce peuple qui se veut, d'une certaine façon, l'héritier entier de cette classe des samouraïs. Oui, enfin, ce peuple qui se veut l'héritier, c'est une idée qu'on a forgée justement au 19e et au début du 20e siècle. Le peuple veut-il vraiment? C'est pas du tout la manière dont sans doute les gens se sont perçus à cette époque-là. Mais il y a eu effectivement, dans les années 1880-1900, il y a eu une sorte de, entre guillemets, samouraïsation de la société. Après un déclin de cette mode du Bushido. Mais c'est par exemple, les arts martiaux qui ont été pour la plupart inventés à la fin du 19e, au début du 20e siècle, reprennent en quelque sorte, de manière théorique en quelque sorte, les enseignements du Bushido, mais se popularisent, se démocratisent. N'importe qui peut faire de l'aïkido ou du karaté. Alors qu'autrefois, ceux qui s'entraînaient au sabre, c'était évidemment que les samouraïs. Donc il y a une sorte de fierté, en quelque sorte, de la part de certains, dans certaines couches populaires, de pouvoir pratiquer, par exemple, des arts martiaux comme les samouraïs à l'ancienne. Et c'est ça qui contribue, en quelque sorte, à forger une nation. C'est-à-dire, ces valeurs qui étaient limitées à une élite, comme vient de le dire Constance, se diffusent petit à petit. Et on partage les secrets d'une certaine façon aussi. Oui, d'une certaine façon. Mais je voudrais dire quand même, je peux rajouter quelque chose, c'est que cette élite n'est pas que des gens nostalgiques. C'est aussi des gens qui ont été formés dans des écoles qui se mettent en place au cours du 18e, au début du 19e siècle, qui sont des gens de plus en plus lettrés, de plus en plus savants, de plus en plus techniciens, de plus en plus scientifiques. Or, le système des Tokugawa les fige en quelque sorte dans un statut social. Si vous êtes le fils d'un samouraï pauvre, vous êtes un samouraï pauvre toute votre vie. Si vous êtes le fils d'un grand seigneur, vous êtes un grand seigneur. Donc cette idée que justement cet ordre social qui avait été figé en quelque sorte au début du XVIIe siècle ne correspond plus aux réalités d'aujourd'hui et que ces jeunes samouraïs pleins de talents sont en quelque sorte bloqués par le système, va déboucher sur une véritable révolution qui est la révolution de Meiji, c'est-à-dire un renversement en quelque sorte de l'ordre politique et social où les samouraïs pleins de talents font confiance aux autres samouraïs pleins de talents, voire aux fils de marchands, aux fils de paysans pleins de talents pour construire quelque chose de nouveau qui est la nation. En 1868, hein. En 1868, ouais. Bien sûr. Constance Sérénie, comment se transforme-t-on cette figure guerrière au cours du XXe siècle pour arriver à une autre figure qu'on a citée au tout début de cette émission et qui d'ailleurs est peut-être tout aussi fausse que la figure que l'on a à la fois du shogun, à la fois de toutes ces figures guerrières du samouraï et de leur évolution, qui est la figure du kamikaze ou du kamikaze sur lesquels vous avez travaillé dans un livre commun avec Pierre-François Souhiri, Constance Sérénie. Oui, alors là justement, ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'on reprend ce que Pierre-François Souhiri disait tout à l'heure, c'est-à-dire c'est pas forcément une conscience qui émerge, le fait qu'ils sont tous des samouraïs, qu'ils sont tous... Cette conscience guerrière au cours du XXe siècle, elle vient du haut. C'est une volonté d'éducation concerté de la part en particulier des militaristes japonais. Au cours des années 30, pour les dirigeants japonais, l'essentiel c'est de former des soldats. Il faut avoir des soldats, il faut des soldats qui soient efficaces. Et donc il faut les éduquer dès l'enfance, dès le premier manuel scolaire qu'on a à l'école, celui qui apprend les lettres, enfin les caractères, les premiers caractères du japonais, il faut commencer à leur inculquer cette idée martiale guerrière pour les former, pour que quand le moment sera venu, ils soient capables... Mobilisables et capables de se sacrifier. Et bien entendu, à l'extrême, à la toute fin de la guerre, c'est cette logique qui va mener, bien sûr, à la création des kamikazes. Et c'est fait de façon totalement délibérée. C'est-à-dire que le premier manuel de lecture qu'on donne aux petits-enfants qui commencent à 6 ans l'école, commençait par les sakura, les cerisiers du Japon. Et on le change, le premier mot qu'on apprend à lire, c'est Asahi, le soleil levant, le soleil du Japon. Et juste après, on apprend à lire soldat, et Japon, et Mont Fuji. Et tout de suite, dès les premiers mots, on est dans cette idéologie guerrière. Anaïs Kien. Oui, alors au début de cette histoire des samouraïs, on se bat pour un certain honneur, pour acquérir du prestige, pour acquérir du pouvoir, pour acquérir des terres. Ensuite, on se bat pour son seigneur local. Certains se battent ensuite pour une forme d'empire. Finalement, dans les années 30, quelle est la motivation? Quel est le discours livré à ces soldats ou à ces futurs soldats pour intégrer ces valeurs de la guerre et se considérer comme une force combattante prête, et le jour arrivera, c'est certain, à prendre les armes pour envahir ses voisins ou au moins, à minima, pour défendre la nation japonaise. Il ne s'agit jamais d'envahir ses voisins. Il ne s'agit jamais d'écraser les autres. Pour les envahir de manière défensive. Il n'y a pas d'attaque. S'il s'agit de défendre la patrie... Et bien entendu, sur le terrain, le Japon est en train d'avancer en Chine, sur le terrain, le Japon s'avance. Mais ce n'est pas du tout son discours. On crée une zone de protection autour du Japon, qui est, bien sûr, sacrée, le pays des dieux. C'est aussi un des mots qui revient dans les premiers livres scolaires, le Japon est le pays des dieux. La première chose que vous apprenez en géographie au Japon dans les années 30, c'est que le Japon, c'est le pays des dieux. C'est ce levier dans le discours qui marche le mieux. C'est un levier spirituel. Un levier spirituel. Et au centre de ce Japon, la figure de l'empereur. Et c'est lui qui fait tenir l'essence du Japon. Le Japon est centré autour de l'empereur et les Japonais sont les boucliers autour de l'empereur. Ce qui est quand même tout à fait étonnant d'une certaine façon quand on regarde cela de loin et sans connaître véritablement cette culture japonaise, Pierre-François Souhiri, c'est de voir comment cette culture guerrière s'est érigée contre la culture de la cour impériale et comment au XXe siècle, l'empereur lui-même récupère cette culture guerrière à son propre profit. C'est-à-dire comme une sorte de troc qui finit par faire fondre entre eux la figure du guerrier et la figure de l'empereur, alors que cette figure du guerrier s'était créée contre cette cour lettrée du 9e ou du 10e siècle. Oui, on parle souvent de Meiji, donc ce qui se... comme d'une restauration impériale, c'est-à-dire il s'agit de revenir à l'état des choses avant que les guerriers existent. C'est-à-dire à l'époque du Japon antique où l'empereur était censé régner et gouverner en même temps, ce qui n'était plus le cas après le XIIe siècle où il y avait un shogun, donc un dirigeant guerrier, un roi en fait, qui dirigeait réellement le pays. Donc il y a une sorte de volonté de gommer cette phase de l'histoire féodale en quelque sorte pour revenir au principe du Japon d'autrefois. Et on met l'empereur au centre du dispositif. On invente à cette époque-là toute une série de choses, de cérémoniales de cour, par exemple, qui n'existaient même pas à l'époque ancienne, qu'on crée de toutes pièces, pour faire de l'empereur le cœur du système de référence. Or, cet empereur se comporte, en devenant le chef des armées et en devenant un chef de guerre, de fait, se comporte exactement comme le shogun autrefois et non pas comme l'empereur autrefois. Donc, il y a une sorte d'inversion des sens, mais on va chercher, en quelque sorte, la légitimité du nouveau pouvoir dans ce qu'il y a de plus ancien, puisque l'empereur est censé être le fils des dieux, et donc les ancêtres de la famille impériale étant les dieux eux-mêmes. Donc il y a une sorte de volonté, d'invention de la tradition, pour le coup. Alors là, c'est le livre d'Hobsbawm, le fameux livre d'Hobsbawm sur l'invention de la tradition. Opère très bien sur le Japon de la fin du 19e et début du 20e siècle. Alors, il nous faut terminer malheureusement trop rapidement cette émission avec vous deux, Pierre-François Souhiri, et avec vous, Constance Sérény. Il y a une question sur laquelle vous avez travaillé, Constance Sérény, c'est le pacifisme d'après la Seconde Guerre mondiale. Comment ce pays dans lequel on a volontairement forgé des élites qui se voulaient justement des élites sacrifiant des élites guerrières, va-t-il passer à un pacifisme radical, en partie, pas la totalité du pays bien évidemment, après la défaite de 1945? Vous avez travaillé en particulier sur la réécriture de recueils de témoignages de soldats morts au combat, des lettres qu'ils avaient envoyées à leur famille en particulier, et qui ont été caviardées par les éditeurs justement en 1949 pour ne pas garder tout ce qu'il y avait de guerriers dans leurs propos, et pour imaginer qu'ils étaient des guerriers sacrifiés d'une certaine façon. Comment cela se passe-t-il dans l'immédiate après-Seconde Guerre mondiale, Constance Sérény? Alors la réponse la plus simple et celle qui serait fausse, ce serait bien sûr de dire c'est imposé par l'occupant américain. C'est vrai d'un point de vue technique, hein, les Américains imposent le pacifisme au Japon. Mais en réalité, le processus est bien plus complexe et interne au peuple même japonais. C'est-à-dire qu'on leur impose cette idéologie pendant toute la guerre. Malgré tout, quand on regarde les journaux intimes, les textes personnels qu'ont pu laisser certaines personnes, bien entendu, les gens avaient un certain doute sur cette idéologie. Mais elle était si écrasante que... Elle fonctionne. Elle fonctionne et elle est difficile à contester, en tout cas publiquement. Et lorsque le 15 août, l'empereur annonce que la guerre est perdue, ce qui est étonnant, c'est qu'elle s'effondre comme un château de cartes. Là où, la veille, tout le monde aurait dit qu'ils étaient prêts à mourir jusqu'au dernier pour protéger l'empereur, cette idéologie se dégonfle d'un seul coup. Les gens se retrouvent dans un état de stupéfaction totale, de fatigue de ces longues années de guerre, et ce qui les soutenait, qui était cette idéologie, a disparu. Et à la place, il y a un sentiment énorme de gâchis. Tous ces gens sont morts, ces jeunes gens, l'élite de la nation est morte. Et puis les garçons ont largement disparu, d'une certaine façon. Il y a une classe d'âge comme ça qui a vu disparaître une génération entière d'hommes qui étaient probablement, puisque de nombreux soldats étaient également étudiants, des lettrés, les futures élites de la nation qui ne prendront pas leur place dans l'histoire telle qu'ils auraient dû la prendre si la guerre n'avait pas lessivé cette génération. Justement. En particulier les kamikazes, parce que les kamikazes sont sélectionnés dans l'élite. Déjà, ce sont des pilotes, donc pour être un pilote, il fallait déjà avoir une certaine éducation. Et ce sont soit des jeunes cadets, des meilleurs, l'équivalent des lycées japonais, soit des étudiants qui ont été... arrachés à leurs études pour être mobilisés. Et donc, oui, il y a un sentiment à la fin d'un manque terrible. Ces jeunes gens sont morts et d'un seul coup, on se rend compte que c'était en fait pour rien. Et ce pacifisme, c'est une réaction à ce sentiment de deuil, en fait, qui envahit la société japonaise. Pierre-François Souhiri, sur cette réaction pacifiste de la société japonaise après la Seconde Guerre mondiale. Je pense que les Japonais ont tiré une leçon globale de cette affaire. Plus jamais ça. Donc le pacifisme japonais n'est pas une invention, c'est une réalité. La nation japonaise est fondamentalement pacifiste. Elle a été en quelque sorte dégoûtée de ce militarisme agressif des années 30 et 40. Et je pense que, par exemple, si on regarde actuellement les débats politiques qu'il y a au Japon autour de la révision de la Constitution et de l'abolition du fameux article 9, qui est un article qui a été imposé à l'origine par les Américains, interdisant au Japon de faire la guerre, d'avoir une armée capable de se projeter sur les théâtres extérieurs. Donc ils veulent revenir là-dessus, vu le contexte actuel, la montée en puissance de la Chine et l'armement de la Corée du Nord. Il y a une réaction de base de la population assez hostile, finalement, à ce retour en force, en quelque sorte, d'une tentative ou d'une tentation, on va dire, militaire ou militariste. Je pense que le pacifisme est réellement au fond même de l'âme japonaise d'aujourd'hui. Et je ne sais plus qui disait, un commentateur japonais disait à propos de la Chine qui accusait le Japon d'être revanchard, etc. Il disait, mais oui, mais nous les Japonais, depuis 70 ans, on n'a tué aucun Chinois. C'est pas le cas des Chinois qui en ont tué beaucoup. Donc il y a quelque chose comme ça. Hein. C'est une sorte de réelle volonté de vivre en paix, tout simplement. Voilà. Merci à tous les deux. Merci à vous, Pierre-François Souhiri. Je rappelle que vous êtes auteur chez Flammarion dans la collection Au fil de l'histoire de Les guerriers dans la rizière, la grande épopée des samouraïs, et co-auteur avec Constance Sérénie qui était avec nous également du livre sur les kamikazes. Et puis vous êtes l'organisateur d'un festival d'histoire qui va se tenir dans 3 semaines, c'est ça, à Genève. Du 21 au 24 mars. Voilà. Donc Festival Histoire et Cité, qui est un festival donc d'histoire qui attire donc un public venant de Suisse romande, mais aussi de France voisine, comme on dit là-bas. Et être libre. Être libre. Le thème cette année, c'est être libre. Et donc il y aura des conférences, des tables rondes, un festival de cinéma, une grande librairie, tout ça à l'Université de Genève. 22, 23, 24, c'est ça, voilà, mars c'est ça. Prochain. Et vous vous y trouverez pour la Fabrique de l'Histoire et vous nous en ferez un compte rendu, Anaïs Quien. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous pour conclure cette série consacrée à l'histoire du Japon. Et la formidable bande-son du formidable film de Jim Jarmusch, Ghost Dog, avec Forest Whitaker. La bande-son est signée évidemment RZA du Wu-Tang Clan. Et donc, c'est la voix du samouraï, le sous-titre évidemment de ce Ghost Dog de Jim Jarmusch pour conclure notre série et notre émission d'aujourd'hui consacrée à cette figure du guerrier au Japon. Une émission préparée par Francesca Fossati et Aurélie Marcet. Et également, Pierrick Monsigny était avec nous aujourd'hui à la technique et Séverine Cassard à la réalisation.